faire un tour dans mon hall, t'inquiète, tu seras le bienvenu. Seulement les balances et les keufs sont trop mal vus. Toujours hal, appuyé contre les boîtes aux lettres. Un hall sale que le facteur veut plus poser ses lettres. Je te jure que les darons nous chip. Je t'assure qu'elles en ont marre de cette odeur de shit. On bouge pas dans le hall jusqu'à des heures de ouf. Rien que ça parle de fouf et des frères qui sont ouf. Trop de mecs passent et nous disent ouais, ça fait quoi ce soir. Nous on leur répond la routine, on est là jusqu'au bar. Nos places sont taguées, les anciens sont schlagués. Dans leurs têtes sont flingués et n'aiment pas trop blaguer. Quand tu rentres dedans, obligé de check tout le monde. Sinon on te rentre dedans, on t'insulte, on te gronde. Te la pète pas, quand tu rentres dans mon hall. On te jette de là, on s'en fout que tu sors de tôle. C'est fait les locataires, inspire les commères. Ils puent la peur. Car dedans c'est la crime. C'est fait les locataires, inspire les commères. Il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime. Car yeah, dedans c'est la crime. Nous on entrave la libre circulation. Sur le palier du dernier étage, y'a des fellations. C'est la meilleure salle des réunions quand ça parle de billets. Une commission rogatoire et on est tous grillés. Les bédos, les mégots, les tags, les odeurs de pisse. Les halls deviennent des fours et nos parents deviennent tristes. Tu coupes le chauffage et on descend dans la cave. Y'a des trafics et les commères, on sait qu'ils le savent. Le frelon par la fenêtre qui me dit con, vas-y rentre là. Sujet de conversation, les meufs, les decks, les lance-pas. T'inquiète pas, on veut le fuir, marre de tenir les murs. C'est toujours la même chose, même après une couche de peinture. Il en a vu défiler des litrons, des tonnes, des remises, des connes, des frères et des cochons. C'est le symbole de la galère dans toutes les décis. Il fait rafle aux huissiers, aux facteurs, aux képi. C'est fait payer les locataires, inspire les commères, il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime. C'est fait payer les locataires, inspire les commères, il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime. Attends de voir, t'as pas vu les escaliers. Si tu passes le soir, tu verras des fous alliés. Quand y'a les cons, on est tous dans le local à poubelle. Toujours au rez-de-chaussée, on remonte juste pour la gamelle. Mets pas ton stun dedans, nous on te casse le nez mal. On prend les escaliers car l'ascenseur est en panne. Obligé de monter, car y'a pas d'interphone. Les petits l'ont cassé car ils connaissaient pas le code. Quand y'a l'œuf, crois pas qu'il y a d'issue de secours. Je suis plus épanoui dans le hall que dans la salle de cours. Ouais. Y'a pas de plan à part, attends que la daronne elle parte. Non, dernier étage pour secouer les timbres. Ouais. Ça fait des batailles d'eau avec les extincts. C'est quand on sourit que tu nous crames, la lumière éteint. Il entend les condés, met des coups de bélier. Bienvenue dans la crime, là c'est Sultan l'hôtelier. Yeah. C'est flipper les locataires, inspire les commères. Il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime. C'est flipper les locataires, inspire les commères, il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime. C'est flipper les locataires, inspire les commères, il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime. C'est flipper les locataires, inspire les commères, il pue la peur. Il s'exprime, le gardien déprime, car dedans c'est la crime.